El Chapitito. Tu set. 0. Faut que Tony Fox ça fuck pas, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo, Motorvé tout sous le capot, volant de la Mercier Lago. J'allume ton équipe de travaux, Kalashnikov baby Draco. Faut que Tony Fox ça fuck pas, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Genre infamasse de mon chapeau. Et des 5 litres de sang avec la bouche, la tête de mort flanquée de mon drapeau. J'reste sous Kamaz jusqu'à l'échafaud. Mais avant de partir, j'vais leur faire avaler toute ma demeure comme des scatos. Paradis artificiel, mais l'enfer est bien réel, mon frérot. La déferlante de violence peut donner froid dans le dos à Sub-Zero. On est Sifma, on est Trixma. Bitch, les tricheurs ne gagnent pas et les gagnants ne trichent pas. On rêve de Bugatti Veyron, pas de ton sale boule bouffonne. On a de la poudre pour Bobby Brown et Whitney Houston. Jugé à la gueule comme Patrick Dix. Tu seras meilleur que moi quand les poules auront des grises. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Me t'envie de sur le capot, volant de la Mercier Lago. J'allume ton équipe de travaux, Kalashnikov de Bidraco. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Glock te passe tes célèbres. Moi j'sais pas quitter. Je la touche pas, parce que si je la baisse, elle voudra plus me quitter. Mon Glock te passe de CLM. Les balles t'arrachent ton casque. Tu le vis mal, la nuit mal. Viens de sortir du 9-4. 1, 2 grammes, rebut, L, 6, toute la nuit. Des rats, des chats, des grammes, des loquets. Du dur, mon règne, la barre des bloqués. Ceux qui ont blast cramé dans ton kill. Les frères qui tapent les dabs en Cherokee. Regarde ma gueule, sale fils de pute. Je suis plus un chapeau que dans Rocky. Tu vas faire quoi? La vie de ma mère, y'a du bif au ticard, on a les reins solides. Tu vas faire quoi? Faut pas jouer. Champion de la ligue. Téléphone satellite depuis ton gros talon. Philippe plein, plein de pics. Le réseau plein de flics. Va donc lâcher ta bite. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Motorvé tout sous le capot, volant de la Mercier Lago. J'allume ton équipe de travaux, Kalashnikov baby Draco. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Coca, Ina, transit de Bogota, Guadama, Dinina. Dans la street des fers sur mes négros comme Katrina. Tu bifères, peu m'importe ce qu'ils finale. Pochette Gucci pleine de solia, j'suis dans le carré VIP plein de bleu. Y'a des tailles, si de la RIA. Tout ça j'enfonce dans le gros boule Ziggy Azelia. Pas de négociation, j'compte bien te la mettre. Tu pourras me sucer, moi et mon gang d'aliens. On t'ouvre le pit direct, on récupère la mettre. On te laisse avec une cicatrice de césarienne. Très grand Cherokee. La bum casse la voix comme Yogoti. Dans le chargeur, la balle se blottit. Le plongeon te frotte à ralenti. T'as les lèvres sur le vibromasseur. Je joue sur l'accélérateur. Traîne à la regarde de pute avec nos chroniques. Veux aller plus loin, mais y'a un bras électronique. Rien à branler, rien à l'ébran. Pour moi, le monde s'arrête à ce grand. KAA et chaque Zulu gravé sur une défense d'éléphant. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Faut que Tony Fox ça fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Motorvé tout sous le capot, volant de la Mercier Lago. J'allume ton équipe.